Et bonsoir, bonsoir. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, St. Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 as usual while the music is playing, or you can email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFI, 90.3 FM, à Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur kfi.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Voilà, voilà. Bonsoir Freddy. Bonsoir Adrien, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Et toi? Ben, ça va, un peu froid. Un peu, ouais, un petit peu froid. Juste un peu, surtout ce matin, mais... Fret, comme on dit au Canada, chez nos amis québécois. Il fait fret. Ah, j'ai entendu des gens dire nippy, mais... Nippy aussi, oui, ça marche, nippy. Ça marche, écoute. But, yeah, that was a little bit too nippy for me, so I decided to stay... I worked from home. Oh, c'est bien. You're right, that's a good plan. Yeah. I was 30 below, I saw, with a wind chill, but now it's actually nice. It's like, it feels like spring, it's 10 degrees outside. It is. So we're on the right side of it, guys. Yeah. We're doing it. We are no longer negative. Nope. Yoo-hoo! Yay. Let's party. We can leave that to the Parisians. No. In the subway. No. Negativity is also very much in the South. It's just more hypocritical. South of France. Okay. I mean, be demonstrated, because when you have the sun and the beach and, you know, the commute is... a little different. But if you're listening from France, and if you're still wondering whether or not you should listen to Bonjour Minnesota, you have to listen on kfai.org. Don't try the 90.3. It will not work. No. No. You have to be around Minneapolis, Saint Paul for that. Voilà. Exactly. So tonight is a special night. We are doing a 2024 recap. Yep. Might do that next week as well. We'll see... If we may have like songs still to be done and things. So I have a list of the events and the recap and people who left us and things like that. But I don't know that I will do it tonight. We'll see if I can read it, because I just have my phone for it, so. To find the document. So yeah, we might do it next week. We'll see. In progress. Yes. Well, uploading. And what I wanted to do also is like tonight. First, shout out to Chloe, Romain's daughter, because she is the one who did a part of the list, especially the beginning. Salut, Chloe. And she's in France, so I think she's sleeping. I know. But maybe she'll listen. She will listen. Mm-hmm. And so what I did after that is I did a mix of our list of songs, because I say songs because there was the single and there was the albums. Mm-hmm. But... if the album was number one and there was no single, I put one song from the album. Oh, yeah. And plus I put some other songs from album that came out in 2024, just not necessarily first, but just that came out. So there's the picks, the Freddy's picks. Yeah. That is nice. We'll say that. It's fun. Spice it up a bit. Indeed. So we're going to listen to things that are pretty recent. And maybe next week too, and we'll talk about, you know, what happened this year. We're gonna start with Santa, and not Santa Claus. Santa, like, not Santa now, like Samantha. And she's gonna sing "Recommence-moi," "Make Me Again," and then after that, it's gonna be Zelly with PTN de BPM. PTN is abbreviation for the F word. Yeah. In French. BPM is BPM. BPM is BPM. Beat per minute. Beat per minute, that's right. But... les battements par minute. Battements par minute. In French. In French, because beat per minute is not correct either. Right. And then we're going to listen to Adèle Castillon with Ce Soir, featuring Gazo, and it's from the EP Crève-Cœur. Okay. On y va? C'est parti. Ooh, ooh, ooh. Je préfère danser avec mes silences pour tout recommencer en quelques pas de danse. Et s'il ne reste plus rien du tout, de l'eau entre chaque verre, j'ai pas zappé mon rendez-vous de demain. Ce mec est sur ma pote, c'est certain, pas de soucis, mais sortez couvert. Je vais, je viens, je fais confiance à la vitesse, j'ai pas zappé que j'avais un gars. Des mois qu'on se dit qu'il faut qu'on se voit, pour ça faudrait que je quitte la pièce. Papa, maman m'ont dit que c'était pas sérieux. Je suis peut-être cinglée puisque je le vois dans leurs yeux. Pourquoi faudrait-il que je rentre plus tôt? J'entends cette musique qui fait vibrer ma peau. Et ça fait un putain de BPM. Regarde comme je t'aime. Tout va tellement vite ici. J'ai pas tout compris. Je ressens plus la peine. Des monstres dans les veines. Puis-je rester là toute ma vie? S'il vous plaît, merci. Facile en gros, je laisse tout de côté. Contrat, paperasse, pas signé. Tristesse, pas de mood, et si c'est du déni, pas je m'en fiche. Ah, j'ai tout mon temps. Je dois juste me lever tôt. Qu'est-ce que tu dis, j'entends rien. Gros, parle plus fort. Papa, maman m'ont dit que c'était pas sérieux. Je suis peut-être cinglée puisque je le vois dans leurs yeux. Pourquoi faudrait-il que je rentre plus tôt? J'entends cette musique qui fait vibrer ma peau. Et ça fait un putain de BPM. Regarde comme je t'aime. Tout va tellement vite ici. J'ai pas tout compris. Je ressens plus la peine. Des monstres dans les veines. Puis-je rester là toute ma vie? S'il vous plaît, merci. Non, Non, c'est bon, arrête de chialer, on y retourne ou quoi? Ah, putain de BPM, regarde comme je t'aime. Tout va tellement vite ici, j'ai pas tout compris. Je ressens plus la peine, des monstres dans les veines. Puis-je rester là toute ma vie, s'il vous plaît, merci. Ce soir, je vais rentrer tard, je vais me faire du mal. J'aimerais partir trop tard, je vais rien sentir, je vais me ralentir, je me vois mourir. Mon cœur bat au rythme de mes larmes, j'ai plus d'une vie comme ça, donc j'ai posé les armes. Faut que je me calme, mais j'ai que des flashbacks. Et quand je me sens comme ça, je préfère le goût du cognac. Chose dans mon cœur et ça réjouit les auteurs. Avec ma route je fais de la vapeur. Ce qui m'a fait prendre la hauteur. Je me fais rare et je parle au sec. Putain d'ici je vois la mer. Envie de m'en aller là où la queue de me mène. Donc ce soir je veux boire. Cette soirée je vais sortir. Ouais j'essaye d'arrêter tout stopper. KFAI is proud to present Mark Joseph and the American Soul with the Northside Horns at the Turf Club on Friday, February 7th. Local group Mark Joseph and the American Soul are celebrating the release of their latest single featuring the Northside Horns. Also joining on the fun is Greg Hall and the Wrecking Ball. Tickets for Mark Joseph and the Americans can be found at the First Avenue website. Visit first-avenue.com for more details. And we are back, and you're listening to Bonjour Minnesota. KFAI Radio. Yeah, we're just doing a special show tonight about top 2024 songs in French. And some are French, some may not be, but actually this is just a nice little recap, a little look back at the 2024 year in music. Yes. And we have DJ Freddy here. What songs did we listen to on the top three? Well, right now, like the three songs we just played were Santa with Recommence-moi, then Zélie with PTN de BPM, and Adèle Castillon with Ce Soir featuring Gazo. Nice. Gazo, rapper. And one of the things that we're going to hear that soon, but I noticed in 2024 in France, is that a lot of the first ones, whether they were first like just 1 week or for an album or top like charts, that, it's a lot of R&B and rap. Oh, sure. Yeah, it's super trendy in France right now. Yeah. Like everybody does hip hop and R&B. It sells really well. It's I think there is a lot of talent also in the production, in the studio. Yeah. So it's easy, it's accessible. And, you know, like a lot of trends from the U.S. are, you know, definitely starting to come across the Atlantic, across the pond. So, well, I'm looking forward to that because I know we have some good R&B. I'm sure a lot of people listening, they're like, what? French and R&B? How does that work? And yes, we're going to try to prove it to you tonight. There is some really good French R&B too. So stay tuned. Yes. So, and we'll talk a little bit about the events of 2024. I think next week we'll talk about people who left us because some of them are musicians. Passed away. So we'll play some of their songs or some of the songs associated to them. Mm-hmm. But like, yeah, for tonight, we're going to keep playing music. So we're going to listen to Gims and Distinct with the song called Spider. But it's still in French. I mean, sometimes they have some of the lyrics are in English, but most of it is in French. Mm-hmm. Then we're going to listen to Jules de Marseille. Jules. Mon frère, il ne peut pas le voir en couleur. And the name of his song is Il n'y a plus de reconnaissance. There's no more like acknowledgement or gratitude or, And then we're going to listen to Quebla with the song Boucan. Featuring Franglish. Ok. On y va? C'est parti. Maximum. Ok, bébé, j'avoue, je suis dans l'excès. Pour des petits trajets, je sors le féfé. Je préfère mieux ça qu'Audi Tété. Donc, Spider pour cet été. Je suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer. Ce soir, c'est mon trophée. Concert complet à Düsseldorf, gonflé à bloc comme Usain Bolt. Je suis dans le ravio, je traverse l'époque. Je fais du shopping sur un jour off. Le jet atterrit à Lausanne. Je suis vêtu comme Lausanne. Les lunettes marquantes, je les vois. Et mystérieux comme Oda. Ok, bébé, j'avoue, je suis dans l'excès. Pour des petits trajets, je sors le féfé. Je préfère mieux ça qu'Audi Tété. Donc, Spider pour cet été. Je suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer. Ce soir, t'es mon trophée. Dubaï, boté, casac, plein de cash. Ils sont choqués, million dollars. Ça me choque pas, je suis full human. Si on envoie l'eau, que j'ai flamme. Moi, je pose des milliers à élever banane. Y'a galvé, y'a galvé. Y'a l'amour et y'a la monnaie. Y'a galvé, y'a galvé. Marhaba fi alami. Ok, bébé, j'avoue, je suis dans l'excès. Pour des petits trajets, je sors le féfé. Je préfère mieux ça qu'Audi Tété. Donc, Spider pour cet été, je suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer, ce soir t'es mon trophée. Ah, t'es ma vie, ah, Hayati, ah, je n'ai vu que toi, ya Habibi. On y va. Excès d'amour, je crois que je vais passer. Chambouler leur intérêt, chambouler leur intérêt.

Yeah, let's go. Ils ont essayé, mais sorcellerie n'a pas marché. De moi, ils ont douté, je suis revenu pour confirmer. Et mon cœur s'est cassé, avec l'argent, je l'ai reconnu. C'est Dieu qui m'a donné, mais du ciel, c'était pas tombé. Moi, je fais jamais doucement, j'abuse. Moi, je préfère rester dans ma bulle. Elle voudrait connaître mon vécu. Je garde le silence, moi j'ai mes raisons. Pourquoi toujours tu m'accuses? Toi, t'es toujours dans l'abus. Toi, tu mérites qu'on se voit plus. Toi, attention, attention, j'ai monté la tension, tension. La pression, pression, je suis l'homme de la saison, saison. C'est moi. Partout, c'est chez moi, je suis comme à la maison, maison. Donc attention, attention, je veux monter la tension, tension. Ils ont essayé, mais sorcellerie n'a pas marché. De moi ils ont douté, je suis revenu pour confirmer. Et mon cœur s'est cassé, avec l'argent je l'ai recollé. C'est Dieu qui m'a donné, mais tu sais que c'était pas tombé. Ma chérie montre-toi, les regards sont sur toi. Avec moi ce soir, on va déranger les voisins. Allez montre-toi, les regards sont sur toi. Avec moi ce soir, on va déranger les voisins. Yeah. Qui t'a dit que je fais pas les euros? Qui t'a dit que j'ai pas la mélo? Shoot au buzzer comme Carmelo. Tout ce qu'on touche devient du roro. Je tombe une fois, je me relève deux fois. J'ai les bons mots pour te parler. Avec moi bébé veut rester. Attention, attention, je vais monter la tension, tension. La pression, pression, je suis l'homme de la saison, saison. C'est moi. Partout c'est chez moi, je fais comme à la maison, maison. Donc attention, attention, j'ai monté la pression, pression. Ils ont essayé, mais sorcellerie n'a pas marché. De moi ils ont douté, je suis revenu pour confirmer. Et mon cœur s'est cassé, avec l'argent je l'ai recollé. C'est Dieu qui m'a donné, mais tu sais que c'était pas tombé. Ma chérie montre-toi, les regards sont sur toi. Avec moi ce soir, on va déranger les voisins. Ma chérie montre-toi, les regards sont sur toi. Avec moi ce soir, on va déranger les voisins. And we are back. You're listening to Bonjour Minnesota. Exactement. Hello. We listened to three songs that were on the top 10 sometime in 2010. So we listened to Gims with Spider, then Jules with Y'a plus de reconnaissance, and Que Black with Boucan, featuring Franglish. And Boucan, c'est un peu, it's a way to noise. Say, like, it's very noisy, like chaotic and, yeah, something like that. So that was pretty nice. I liked it, and I like Cobra. And it's got some flow. Jules, this year, I mean, I didn't put four Jules. I put some in the back of the playlist after, you know, because I didn't want to do all Jules. It. Well, I wanted to play at least one song from one person as far as we can go, and then repeat some after. But Jules had, he had four albums first. In 2024, four of his albums. Not his he had some singles too, but four of his albums were number one at some point. Okay, so some came out like in 2023, but okay. Well, yeah. We're still in our recap of 2024 of the top songs of 2024 in French. Yeah, I see some really exciting names here. Some that I know, some that I actually was surprised that they are still playing music, and some that I've never heard of ever. All right. So we're on a trip here, a little bit of a time machine, and we're gonna keep going. I think with a few more songs. Soprano, we're gonna listen to Freedom. So it's one of his most recent titles. I like Soprano. He's from the South. But he's that's not the reason why I like him. He's from Marseille. I like him because I listened to a very cool interview of Soprano from Hugo Décrypte. I don't know if you know Hugo Décrypte. No. He's the one of the... he does the news. He does a news recap every day, and he's like one of the most listened to like journalists in France. He has like millions and millions of followers, and he does a really good job of international news. Always cites the sources and stuff. Anyways, it's nice when you don't when you have just 10 minutes in front of you and you don't necessarily have time to dig into too much quick when you get your coffee, and then you can go back for stuff that you are interested in. But yeah, so Hugo Décrypte had a very cool interview with him on YouTube. You can find it. He's also on podcasts and stuff. But yeah, Soprano, solid guy. He's got a really cool interesting story, and he just he's really big in France. He's really big. He fills up like and he's stadiums. A little bit older, and he's kind of like, he knows what he's established, talking about. Established, yeah. Yeah, I mean, he's not a kid. He's not a kid. I mean, and so his topics are like a little bit heavier. But then after that, we're going to listen to Jeju, a take with a song called I Love You. And that's a good one. I like the rhythm. And then we're going to listen to Gazo with Nanani Nanana. Nanani nanana. Très bien. Exactly. On y va? C'est parti. Je sais très bien qu'on t'a détruit un peu. Je sais très bien qu'on aurait pu faire mieux. J'ai fermé les yeux quand tu tombais. Maintenant que je me sens enfermé, je regrette et je recherche ta beauté. Et j'espère encore te retrouver. Freedom, freedom, freedom, freedom, freedom. Est devenu fou comme Kanye West, speed comme Keanu Reeves, triste comme le Joker funeste de Joaquin Phoenix. Justice à deux vitesses, manipulation de la presse, la liberté se manifeste que devant des camions de CRS. Toujours les mêmes qu'on oppresse, les droits de l'homme dans l'impasse. Regarde tout l'Atlas, la rue de la paix mais qu'une adresse. L'essence est à la hausse et l'essentiel est à la baisse. Le vrai visage de notre espèce, on le voit devant des liasses épaisses. La politique est cauchemardesque comme les cuisines d'Edgepest. L'écologie c'est notre épée de Damoclès. Combien de bulletins dans les urnes sont devenus amnésique, si le FN n'est pas raciste, c'est guerre qu'il y est féministe. La stratégie des cons, c'est de faire croire qu'on est des camps. La stratégie des camps, c'est de faire croire qu'on est tous cons. Alors qu'il y a des bons, beaucoup plus qu'il y a de cons. Au lieu de faire des raccourcis, il serait temps de faire des ponts. Et c'est de nous que ça dépend, peu importe d'où tu viens. Toi, moi, lui, elle, c'est ça le monde que je défends. J'essaie d'apporter ma lumière, est-ce que ça suffira? Libérons nos esprits, et le reste suivra. Je sais très bien qu'on t'a détruit un peu. Je sais très bien qu'on aurait pu faire mieux. J'ai fermé les yeux quand tu tombais. Maintenant que je me sens enfermé, je regrette et je recherche ta beauté. Et j'espère encore te retrouver.

J'irai dehors parce que faut des sous. Non, je pourrais pas être présent tous les jours. J'ai mal. Je sers que je me resserre. Barça ou Rotter, que des gros terres. J'suis bloqué dans sa tête. C'est moi contre l'an, un contre un. Mon partenaire d'enfer, c'est top secret, c'est sous contrat. J'suis confiant si ça pète, c'est sûr que personne racontera. Elle est up dans les nanana, nanana. J'protège ton trône, queen soit des contrats. Jusqu'à l'overdose, quand on se recontacte. C'est sous contrôle, hey, je sens que l'amour me frôle, hey, quand elle m'épaule. J'suis bloqué dans sa tête, c'est moi contre elle en un contre un. Mon partenaire d'enfer, c'est top secret, c'est sous contrat. J'suis confiant si ça pète, c'est sûr que personne racontera. Elle est up dans les nanani, nanani, nanana. KFAI is proud to present Chief Ajua at the Dakota on Sunday, February 2nd. Touring behind his latest album, Bark Out Thunder, Roar Out Lightning, Chief Ajua, formerly known as Christian Scott, is a six-time Grammy-nominated multi-instrumentalist from New Orleans and is considered a postmodern jazz visionary. Tickets for Chief Ajua can be found at the Dakota website. Visit dakotacooks.com for more details. Hey, bonsoir, bonsoir. You are back on Bonjour Minnesota. Indeed. And we here every week on Tuesdays 8 to 10. And the shows are archived as well. Yeah. So if you miss us on Tuesday night, you can always go back to KFAI, look at the archive, and go to the show. Yeah. Listen programs, Bonjour Minnesota. And you listen how many times as you want. If there are a few songs that you're like, oh, those were really cool, yeah, I want to listen to them again. The playlist is there, too. It. So yeah, yeah. You can see the You the always name post the playlist. Yep. So we just listened to three songs. The first one was from Soprano with Freedom. Yeah. So did you have something to say about Soprano? Yeah, well, of course, I have a lot to say about Soprano. But Soprano... is, well, the reason why it's called Soprano is pretty cool. So you've listened to just Nanani Nanana from Gazo, you know, Gazo, mm-hmm, like Booba, for example, like those French rappers, they have really deep voices, right? Soprano is totally different. Yeah. And that's not his real name, as you can guess, right? His real name is Saïd, but Soprano goes back even before he was like a lead voice in anything, or he just was called like that because he has a higher pitch voice, right? Yeah. And so so that's why everybody calls him Soprano since he was young, and now he decided to stay with that. Was that with the name his buddies gave to him or his that's family? Cool. Yeah, that's pretty cool. That's true. I don't have a strong voice either, like a very low voice and stuff, so... Oh, you can. Well, okay. But not for very long. And but yeah, that totally makes sense. It makes him different, you know? That's what makes him unique, is that in the industry, like, you have a lot of those deeper voices, and him, he, like, kind of has a clear voice. Mm-hmm. And yeah, he's really good also. He's just a good musician. Yeah, and we can understand him for Marseillais. We can. Yeah, even me, I can. So, yeah. Hey. So after Soprano, Freedom, it was Dadju with I Love You. and then Gazo with Nanani Nanana. And we're going to keep on going like that with some songs. A little bit later, we'll talk about the events coming up. Yeah, round nine. And we'll talk also about the 2024 events that were a big milestone. Okay, cool. Mostly events from France. There are some international events, of course, with it, but yeah. Yeah, there are quite a few. And yeah, it's a 2024 throwback. Yep. And well, now we're going to listen to three more songs. Yeah. The first one is from Stromae and Pom. Mm-hmm. And it's My Meilleur Ennemi. And it's from the series Arcane League of Legends. Oh, yeah. Season 2. Oh, okay. Yeah, that's what they sing it from. So, yeah. And Stromae is, I mean, he was doing rap and singing in Belgium. Yeah. And Pom. And Pom is much more lyric and very soft voice and very nice too. Yeah. And so after that, it's going to be Les Enfoirés. Which is a group of famous French singers from different styles. Right. They get together for fundraisers every year to feed the homeless and do nice non-profit projects. So the name of the song is La Chanson des Restos, which is the classic one. And it's Les it's from the album Les Enfoirés 2024. We are 35 years old. Yeah, already. So I remember when Coluche started it. Yeah. I was a kid. I think I was like maybe 11, 12, something like that. Wow. And then we're going to listen to Pierre Garnier with Chaque Seconde, featuring Matt Pokora. Yeah, M. Pokora. And it's, I like Matt Pokora. And I like Pierre Garnier. Hip hop. I don't Pierre know Garnier him very too. Well, but. Yeah. Yeah, and Pokora is super uplifting. Yeah, like yeah, on most of his songs, even energy. If it's a sad song. Yeah, like Outete, he's still uplifting. So, yeah. All right, okay, c'est parti. T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi encore plus près de tes adversaires. Mais ma meilleure ennemie c'est toi, fuis-moi. Le pire c'est toi et moi. Mais si tu cherches encore ma voix, oublie-moi. Le pire c'est toi et moi. Pourquoi ton prénom KFAI is proud to present Drone Not Drones at the Cedar Cultural Center on January 24th and 25th. A benefit for Doctors Without Borders, Minneapolis's Drone Not Drones is part benefit concert, part art project, part community event. More than 50 acts will rotate on and off the stage to create a single, uninterrupted, 28-hour drone. To protest the extrajudicial and immoral drone program and raise money for the victims of the United States military industrial complex. KFAI will also broadcast Drone Not Drones beginning at 7 p.m. on Friday, January 24th, and ending at 11 p.m. on Saturday, January 25th. Tickets for Drone Not Drones can be found at the Cedar Cultural Center website. Visit thecedar.org for more details. The following is a test of the emergency broadcast system. Je voulais te le dire, j'ai fait le tour de la terre et j'ai rien trouvé de mieux. Et ça va te faire rire. This has been a test of the emergency broadcast system. The broadcasters of your area, voluntary cooperation, federal, state, and local authorities, developed this system to keep you informed in the event of an emergency. If this has been an actual emergency, the attention signal you just heard would have been recorded. Chaque seconde à penser en secret qu'un jour on se retrouve. J'ai fait la fête partout sur la planète. Je voulais pas l'admettre, mais t'étais dans ma tête. J'ai parcouru le monde, je rentre à la maison ce soir. Dis-moi que c'est pas trop tard. Je vois l'avenir avec toi, un peu de voyage et des souvenirs heureux. Je veux plus jamais me mentir. Que c'est toi si tu m'aimes encore un peu. On pourrait s'enfuir, mais cette fois j'aimerais qu'on le fasse tous les deux. J'espère que tu vas me dire qu'on peut. J'ai parcouru le monde, j'ai traversé les années sans jamais t'oublier. Et j'ai vécu chaque seconde à penser en secret qu'un jour on se retrouve. J'ai fait la fête partout sur la planète. Je voulais pas l'admettre, mais t'étais dans ma tête. J'ai parcouru le monde, je rentre à la maison ce soir. Dis-moi que c'est pas trop tard. Jamais, jamais, jamais j'avais autant cherché ce que j'ai déjà. J'ai regardé dans tes yeux et je me suis vu pour la première fois. J'ai parcouru le monde, j'ai vécu chaque seconde. J'ai parcouru le monde, j'ai traversé les salles sans jamais t'oublier. Et j'ai vécu chaque seconde à penser en secret qu'un jour on se retrouve. J'ai fait la fête partout sur la planète. Je voulais pas l'admettre, mais t'étais dans ma tête. J'ai parcouru le monde, je rentre à la maison ce soir. Dis-moi que c'est pas trop tard. Yes, we are back on Bonjour Minnesota, listening to the recap of 2024, and we just listened to three songs. We listened to Stromae with Pomme, with Ma Meilleure Ennemie, from the series Arcane League of Legends. My Best Enemy. And then Les Enfoirés with La Chanson des Restos from 2024. The Restos song. And Pierre Garnier with Chaque Seconde. Every Second. Yeah. Thank you, thank you. 343? Yeah, okay. And vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFI, 90.3 FM à Minneapolis-Saint-Paul et en ligne sur KFI.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis-St. Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. KFAI, radio without boundaries, non-commercial, community-powered radio. And we're going to talk a little bit about the events. So coming up tomorrow, between 7 p.m. and 8 p.m., it's going to be Les Navigateurs de la Littérature. and it's a book club online at the with the Alliance Française. So every time they talk about a different book, it's on Zoom, and you can get the address at afmsp.org to go to the book club. So tomorrow, 7 to 8 p.m. Then on Saturday, come visit the Little Canada Historical Society during their open house. It's on January 25th from 10 to 1 p.m. You can meet their board, talk with John Vanek, who we had as a guest two weeks ago. He's a historian who's studied like the founding family of Saint-Paul, of Saint-Paul. And this is a Gervais family. They have a lake in Little Canada called Lake Gervais, and that's named after them. Such a cool history, and he makes it alive. John is very entertaining, very knowledgeable. Mm-hmm. So if you get a chance on this Saturday at 10 a.m., go join them, listen in, ask some questions if you want to dig a little deeper. And I've also read that they're going to have a slice of classic French meat pie. So they're on Facebook. Ooh. Just look up Little Canada Historical Society. And you can get there, and that's going to be fun. Yeah. Little Canada means Petit Canada. Petit Canada. And Gervais is Petit Suisse. Petit Canadien du Suisse. Petit Suisse. It's, yeah, in France, that's Petit Suisse is like little French Swiss joke. Yeah. It's you kind of have to be French, I guess, because Gervais is the brand for Petit Suisse, which is a yogurt that kids have. I mean, not just kids, but definitely when you're a kid, you're likely to have had at least one Petit Suisse. And it's very small, funny. And it's very nice. Yeah. Especially with jam. Oh, so good. So that was that. And then we're going to go a little bit further, talking about February 13th. Thursday, just before Valentine's Day. Mm-hmm. So I won't be in Minnesota anymore, but we're going to have Beau Soleil with Michael Doucet, mm-hmm. avec Michael Doucet, or with Michael Doucet. Mm-hmm. And they're going to be at the Dakota. So the Dakota is like on Ecolette Mall, and, you know, you can find them online. And we are very likely, so Beau Soleil, they are Cajun. Yes. And they're probably coming here because they're getting snow over there. And it's snowed right now, yeah. Yeah. And we're probably going to have some tickets to give away. So listen to Bonjour Minnesota the week before that, or the Tuesday before that, I should say, because it's going to be Tuesday the 11th. And I'll still be there because I'm leaving the 12th. Oh, yeah. And we'll have two pair of tickets to give away, like we did for the previous band, like Café Accordéon Orchestra at the Dakota. Okay. Thanks to the Dakota for their help. And in March 17th, they're going to be Alceste, black metal. They scream very loud, and the guitars, the electric guitars, are very loud too. But I like them. At the Fine Line. Yeah, at the Fine Line. And Saturday, March 29th, Wax Taylor. Okay, little time until that one. Yeah, DJ set. So, yeah, the two last ones are upcoming. But they're big artists, so it's like it might sell out, you know. Alcest, so that's why we're sharing that with you now. Romain told me that Alcest has sold out he saw like that one of the date in the U.S., I don't know which one it was, mm-hmm. has sold out. So yeah. That doesn't super mean popular. Minneapolis metal is does, huge. Yeah. Oh, yeah. It's very we'll fun. I wanted to talk a little bit about the event that happened in France. There's not that many. I mean, I didn't get a zillion, but starting with the bad news, in 2024, there was the revelation of the L'Abbé Pierre abuse scandal. L'Abbé Pierre was an abbé. In winter 1950, the priest was fighting poverty. And he passed away. He and passed away, after too. That. But it was totally, like, since the 50s, he was totally revered. He had his foundation and things like that. And now some of the victims are coming forward for sexual abuse. So that's very sad. Then after that, the French enshrined the abortion into its constitution. Yay! That's following Roe versus Wade, which is That's absolutely historic. I think it's the only nation that has it in the Constitution. I don't know. I think, I don't know for sure, but La Loi Veil was a law. So with a different majority in Congress, in the French Congress, that could have been, overturned. Yeah. And not that it cannot be on the Constitution, but it's much harder. There was a French farmers' protest, like usual, against Europe, and it's because the Europe wanted to sign a treaty with South America Free Trade Zone. So that's competition. It is a very open competition, and France has been very farmer traditions forward, and unfortunately, with they think they can't compete with the price of milk and the price of meat from Latin America, and so the rest of the EU making agreements with those with the zone, that's been kind of it's been contentious. The reason for that, I don't remember how much. Like the place of France in the agricultural industry, but for a while they were between like 3rd and 5th exporter of things like wheat and things like that. So, I mean, it's a part of the French economy that's very important. Well, there's been the Israel-Gaza genocide still going on. Marine Le Pen embezzlement trial. So what's interesting about it? So she's accused to have embezzled 4.5 million from Europe, from the European Union. Well, she was elected as a congresswoman at the EU Parliament. Right. And the verdict is going to be on March 31st. She not only risked millions, she's also risking jail, like up to 10 years. So would she do 10 years? Probably not. But she might be ineligible. Yeah. And if she she might not be able to run for the presidential election of 2027. Right. So that's super important because she's the leader of the far right. Yeah, but she hasn't run for it because that's been like going on for a while. And her number two, Jordan Bardella, has been running. So it's kind of... He's been running for the Europe, but for the presidential... He might. Who knows? He might take it if she can't, but I think if she can, she'll run. Interesting, yeah. Because and Macron cannot run again. Correct. Yeah. So unless there is someone solid. Yeah. We'll see. And so the reason, like the money, also what's interesting is that a lot of those folks at the EU Parliament, when we're talking about those amounts of money, like 4.5 million euros that Freddie was talking about, I think it's mostly because they have assistants, quote-unquote assistants, which are sometimes family members and things that actually are not really spending any time helping them at the Parliament. And sometimes they only travel once a year to the parliaments, and so that's what they're looking into. They're investigating whether or not those people were actually getting compensated for work, or were they just like collecting the salary from the EU without actually doing the case. The work. I mean, might be part of it. It's part of it, but you don't spend $4 million but you don't spend $4 million into like no, but it's over a stretch of time. They use the money for their campaign in that France too. Yep. When they were not supposed to. So we'll see how it goes. Yep. French cinema, the Me Too movement, Judy Godrej, Jacques Doyon, and Depardieu. I mean, it's been kind of like a year of revelation, and some of people that were known for a long time, like Depardieu, has been known for a long time that he was like, he was a pig, and, and now, like, allegations are coming out being in a more concrete way. So there are some trials. And we'll see how it goes because some of them are not concluded. I'm going to stop there because I don't want to hug the whole time. But in June, early June, like for the D-Day, the 80th anniversary was celebrated. So it was a big moment for France and the US and the few vets who were still alive. So, and for the memory, I mean, it's, you know, I mean, some of these people died to fight the Nazi, and where we are now today is worrisome. So I think if their grandparents were seeing some of these, their grandkids, they would slap them in the face, but that's just an opinion. We're going to keep going with our 2024 recap. Yeah, well, talk about music. We're going to listen to Julien Doré. Oui, I love that song. And it's from his latest album called Imposteur. And he called it Imposteur because it's an album made of covers. Mm-hmm. So Femme Like You is the song we're going to listen to. Here we go. Then we're going to listen to Indochine, who came back with an album when it had been a long time. It's a double album, actually. It's Babel, Babel. Mm-hmm. And the name of the song is La Belle et la Bête, The Beauty and the Beast. Mm-hmm. And then we're going to listen to Mylène Farmer, that came back with Nevermore, It's Alive. And the name of the song we're going to listen to is Oui, mais non. Yes, but no. And It's Alive. Very good. Let's go. Ramène à la soirée du bar quand on est sorti. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you. We believe that peace is at hand. We believe that an agreement is within sight. Soyons des anges exigeants, des gouttes d'eau dans l'océan. L'amour, le loup est risqué. Dis-moi oui, mais non, ne dis plus jamais non. Et plus mon cœur suscite ce vide. Oh oui, mais non, ne dis plus jamais non. Sans toi, mon corps sous-existe. Quand il est allongé sur le dos, l'amour en tout plus beau. Oh, oh, oh, oh. Dis-moi oui, mais non, ne dis plus jamais non. La nuit se couche, les yeux rougis, l'aube est morose. Tout pas te dit si la vie est gaine, tout va à l'eau. Oh oh. Au bateau libre, joie de vivre me fait défaut. Regarde-moi, être ou pas, c'est n'être pas. C'est peut-être chic de faire du toc. Tac, tout tac, c'est l'air du toc, c'est non, ah ah non. C'est peut-être chic, c'est l'air du toc. Pour l'authentique, on drague du stock. Du tac au tac, changeons d'époque. Oh oui, dis-moi, dis-moi oui. Ne dis plus jamais non, l'amour, le loup et risque. Dis-moi oui, mais non, ne dis plus jamais non. Et plus mon cœur se fixe. Dis-moi oui, mais non, ne dis plus jamais non. L'amour, mon loup se risque. Dis-moi oui, mais non, Dieu m'en Dieu que c'est long. Sans toi, mon corps se fixe. Quand il va allongé sur le dos, plus beau, oh, oh, oh, oh, dis-moi oui, mais non, ne dis plus jamais non, amour, les loups, c'est ton nom. You baby boy, you baby love, you baby boy, la, la, la, yo. You baby boy, you baby love, you baby boy, la, la, la, yo. You baby boy, you baby love. And we are back. You still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio and with Adrian and Freddy. Yeah. And Adrian, what did we listen to? We listened to three songs, Freddy, of our 2024 recap playlist. The first one we listened to was Julien Doré with Femme Like You. And then the second was Indochine. Classic band. I didn't know they were still performing like this. Very popular in the late '80s, like new wave, kind of the Cure of France at the time. Yeah, they're huge, and I don't know one wedding I went to that is not at least one in Indochine song that's being played. And the title of the song was La Belle et la Bête, The Beauty and the Beast. And the last song we listened to is our national Mylène Farmer, also an icon. The name of the song is Oui Mais Non, and this is like the French Madonna. Yeah, and she's very famous. And it's not really ours because she's from Quebec, but... It is ours! It's like if the Quebecois wants to... claim her again. Yeah, and be nice, because they are nice. Well, it's like the athletes in the Olympics, exactly. You know, if they have dual citizenship or they come from somewhere, if they lose, they are from somewhere, if they win, they are French. So totally. That's That's a little bit biased. All right. Well, we're gonna. It is nearly 9:30. Actually, 9:27 here in Minneapolis. You know, as we were talking about earlier, it's getting warmer. So looking forward to that, to not having frozen pipes or, you know, cars not starting and all that fun. That's true. Fun thing. And meanwhile, we'll keep going with our playlist. So we'll listen to Dougie Oogie. I love his name. You better look at it twice. Oui. And so that's the first song, La Découverte. And then the second artist we'll listen to is Carbone with Imagine. And Olivia Ruiz, Le Sel. Oui, mais oui. Mm-hmm. I like her. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Thank you. m'imagine ma terre sous les parasols. Mais là je m'imagine la mer, je deviens parano. Je perds la raison et la raison. Je crois qu'elle veut mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. C'est ça qui me fait tourner la tête. Elle me dit imagine ma terre sous les parasols. Mais là je m'imagine la perche, je deviens parano. Je perds la raison et la raison. Je crois qu'elle veut mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. Elle veut voir ma tâche, veut y voir clair. Elle veut quitter Paname et changer d'air. Elle aime les balades et les choses simples. Elle en vit pas la vie d'un milliardaire. Même quand elle me travaille, me teste. Et que ma garde se baisse, je peux pas la quitter, elle me fait kiffer. Elle sait que dans son regard je me perds. J'aime ses qualités, ses défauts. Quand je disais je t'aime aux autres, c'était faux. Petit verre de rhum, j'aime ses peaux. Je repense à quand j'étais pauvre. On veut changer de vie, changer de météo. Les degrés dans l'air, dans le verre, ex aequo. Loin des trams et des quais de métro. À deux sur la moto, GTO. Elle me dit imagine ma terre sous les parasols. Mais là je m'imagine la perche, je deviens parano. Je perds la raison et la raison. Je crois qu'elle veut mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. C'est ça qui me fait tourner la tête. Elle veut voir Romerio, Buenos Aires, Rio. S'en aller loin de Paris, sur les terres de Dali. Partir loin des sirènes des Giros. Elle veut voir Venise, elle veut voir Romerio, Buenos Aires, Rio. S'en aller loin de Paris, sur les terres de Dali. Partir loin des sirènes des Giros. Au début, elle m'a rionné. Quand elle a vu comment je papillonnais. Mais c'est devenu passionnel. On a tellement de routes à sillonner. On parle de vie face à la mer. Je vois bien qu'elle est pas casanière. Le soir elle a l'art, la manière. C'est ma folle, pas la ma cavalière. Elle me dit imagine ma terre sous les parasols. Mais là je m'imagine la perche, je deviens parano. Je perds la raison et la raison. Je crois qu'elle veut mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. C'est ça qui me fait tourner la tête. Imagine. Imagine. Imagine. Imagine. Coupe mes jambes quand je pleure, quand tu trembles, que notre terre flambe, quand tout semble insurmontable, que mes forces me quittent, que je me cache sous la table, que mes heures se délitent. Il suffit que tu apparaisses pour repousser les vents. Il suffit que je te reconnaisse, car tu es le sel, la cannelle, le piment. Tu es le sucre, le miel, je suis l'enfant. Tu es la cannelle, le piment, émerveillé, je suis l'enfant. Mi cielo, mi vida, mi amor, mi cariño, mi pichoncito. Mi cielo, mi vida, mi amor, mi pichoncito. Quand je m'ennuie, que les jours perdent leur saveur, quand la vie fuit, qu'il ne reste que la torpeur, quand le froid me saisit et me fige, que la lassitude m'affaiblit et m'oblige. Il suffit que je te regarde pour que le ciel s'allume. Il suffit que je te regarde, car tu es le sel, la cannelle, le piment. Tu es le sucre, le miel, je suis l'enfant. Tu es la cannelle, le piment, émerveillé, je suis l'enfant. Mi cielo, mi vida, mi amor, mi cariño, mi pichoncito. Mi cielo, mi vida, mi amor, mi cariño, mi pichoncito. destino será tu imagen. Más suave que el algodón, más poderoso que el león. No seas sabio ni obediente, como a menudo te piden. Sé justo, tenaz y sincero, sé solo tú, sé solo tú. We're back on Bonjour Minnesota. It's actually now Bonsoir Minnesota. It is 9:40. Yeah. And dark and cold. Yeah. And yes. And you're listening to Freddie and Adrian on KFAI radio, maybe on 90.3 FM, maybe on KFAI.org. But mm-hmm. we're glad you are with us as we travel back in time in 2024 on those French songs recap. Yeah, and what did we listen for the last set? Hey, we listened to Dougie Oogie. I know, the name is like, it sounds like a dog name. Yeah, it sure does. Wow, what a great song. La Découverte we listened to, it was an orchestral version. Yeah, he redid the same album with the all orchestral version. Orchestral, yeah. Very cool, a little bit new wave. It kind of brought back some, we were talking offline, like it brought back some memories of shows and things. So really good song. And then we listened to Carbone. Imagine, he took us on a trip. He's to the south of France, and then say, let's flee, let's go travel, let's go enjoy the simple things, go on the land of Dali and Buenos Aires and all those beautiful places. So a lot of sun in that song from Carbone, Imagine. And finally, last but not least, Olivia Ruiz, who's been around for some time, very talented woman, with the new song that I had not heard before, Le Sel. It's from her latest album. Great, great selection. Where she has, because her grandma was a Spaniard. So some of the songs, even not the whole songs are in Spanish. So a few might completely in Spanish, but there's often, like in this one, like there's some chorus or lyrics that are in Spanish. Yeah. Oh, that's pretty cool. Yeah, it was. Voilà. Well, we're going to, I think, keep going and give you a few more titles before the end of today's show, 10 p.m. Stay tuned for Balkan Jamboree with Nikolai. But so far, we're on our way to listen to Fred's with Le Stade, Romeo Elvis with Orange, et Clou. Oui, Cardigan. Yeah, and Fred was not like first last year, but he had the song coming out on 2024, and I just ran into him by accident on YouTube, you know, like with Clue and some other, and he's young, he's fresh, and it's pretty cool. I like that. Well, allez, on y va. Good Fred's. En avant, gagnant. Je reste moi-même, je sais pas je suis qui, donc je fais semblant. Moins j'ai de réponses, plus je vieillis, évidemment. Je regarde dehors les gens qui s'aiment, ont l'air heureux. Moi plus je sais, plus je m'en éloigne, je sais ce que je veux. Je veux arrêter de penser à toi, ce serait mieux. Je veux oublier le son de ta voix, le creux de tes yeux. Je veux arrêter de penser à toi, ce serait mieux. Je veux oublier le son de ta voix, le creux de tes yeux. On s'aime comme des enfants, on se fuit comme des animaux. Quand les raisons de rester s'effondrent comme des dominos. J'aurais voulu qu'on se dise en face ce qu'on se dit dans le dos. Faut croire que c'est toi mon plus grand défaut. Faut que je reste moi-même, je sais pas je suis qui, donc je fais semblant. Moins j'ai de réponses, plus je vieillis, évidemment. Je regarde dehors les gens qui s'aiment, ont l'air heureux. Moi plus je sais, plus je m'en éloigne, je sais ce que je veux. Je veux arrêter de penser à toi, ce serait mieux. Je veux oublier le son de ta voix, le creux de tes yeux. Je veux arrêter de penser à toi, ce serait mieux. Je veux marcher de façon personne m'attend. On m'a dit que ces choses-là prenaient du temps. Donc j'attends. Le ciel est orangé, les feuilles tombent sur le sol, disons qu'elles sont rangées. Ça me fait penser à toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi. Au fond de la piscine, je me suis laissé couler. L'alligator pique un somme, pesantes sont les journées. C'est vrai que j'ai mal, oui j'ai mal. On lève la tête pour que les larmes soient séchées par le soleil. Si je pouvais gérer mon karma, je te donnerais mes horaires. Même le ciel a l'air désolé. Orangé, le ciel est orangé. Les feuilles tombent sur le sol, disons qu'elles sont rangées. Ça me fait penser à toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi. Le ciel est orangé, les feuilles tombent sur le sol, disons qu'elles sont rangées. Ça me fait penser à toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi. Décalage horaire, le ciel change de couleur. Au-dessus les nuages, dans ma tête les troubles. Tu passes dans mes pensées, les souvenirs me trouent le cœur. Trouent le cœur, trouent le cœur. J'écris cette chanson pendant que tu t'envoles. Compilation de tes actions, je veux garder les temps forts. Traverser le temps comme les enfants. Orangé, le ciel est orangé. Les feuilles tombent sur le sol, disons qu'elles sont rangées. Ça me fait penser à toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi. Orangé. Le ciel est orangé, les feuilles tombent sur le sol, disons qu'elles sont rangées. Ça me fait penser à toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi. Ça me fait penser à toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi. Ça me fait penser à toi. Oui, pour la vie entière et pour la soirée entière on KFAI yes. Radio. Bonjour Minnesota, with Freddy. And we Adrian. Just, and we, Adrian. We just listened to three more songs. Fred's Je veux. It was the song Je veux. And yeah. Then Romeo Elvis Orangé. Et Clou, beautiful, beautiful song with Cardigan. From her newest album. Pour la vie entière, she said. Yeah, for the whole life. Entire life. And so, yes, you still have us for the entire next 10 minutes. Yeah. And we are going to kind of switch gears and go a little bit to Jules, back mm-hmm. to Jules. And then Lacrime, and then maybe SCH. So we'll just keep on going here. And what are we going to listen from Jules? Jules is La route est longue. It's a long road. Yeah. And then Lacrime is No lo sé. I don't know. And SCH is 2000. 2000. Voilà. On y va. L'OVNI fait pas de pause, l'OVNI n'est pas dans la malle. L'OVNI job sans arrêt, il cherche pas les problèmes quand y'a pas. Tout va bien, no stress, la route est longue, j'lui donne pas. Je sais qu'ils aimeraient bien voir ma recette, mais moi j'leur donne pas. Gros, mais dis-moi, qui veut me doubler? Mais dis-moi, qui veut me coller? Mais dis-moi, qui veut m'effacer? Amitié gâchée, j'ai l'habitude au fil des années. Mais c'est pas pour eux que je vais vivre angoissé. Si tu es un bâtard, tu m'as rabaissé. Je tiens la sécu de pas te laisser rentrer. Parle pas de guerre, faut pas le briganter. On a ce qu'il faut pour te remonter. T'as fait le dress, comment on fait? Je peux faire confiance à personne, mon biais. Fais tout ce que j'ai, pourquoi je vais t'envier? Faut que mes sons tournent dans le monde entier. La route est longue, encore plein d'albums. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils veulent. Alors je vais faire le nécessaire. La machine est là, donc laissez faire. Demain je disparais. Yo no lo sé, yo no lo sé. amis. Dans mon dîner, je pars en Italie. Au milieu de la nuit, je vois des formes, la lumière est tamisée. Il ne faut pas mettre de sentiments si on commence à jouer. On pourrait se tuer par amour, c'est la vie d'un Titbo. Et la plupart, c'est des mythos. Oui, des fois, je suis qu'un petit con qui porte la peau de piton. Avant midi, je dois la quitter. Je dois le faire absolument. Je te l'avais dit, mon cœur est miné. Miné. Je dois me protéger absolument. Pas besoin de savoir. Demain je disparais. Moi non plus. Je t'évite. Quand le soir je suis seul, c'est pénible. Dans le livre, là le dégât c'est terrible. Elle veut plus voudrait que je me livre, que je la believe, que je la délivre. Même dans tes mimiques, tu m'imites. Dangereux, faut mettre des limites. Si je reste encore, c'est que j'hésite. Il faut que je m'arrache comme sur un roc. Oh, oh. Souvenirs que j'ai, c'est les greffures sur mon dos. Elle tigre et rêve des animaux. Dans mon regard ténébreux, elle comprend plus que le poids des mots. Avant midi, je dois la quitter. Je dois le faire absolument. Je te l'avais dit, mon cœur est miné. Miné. Je dois me protéger absolument. Pas besoin de savoir. Demain, je disparais. Je veux voir voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. Je pense à décembre, je pense à avril. J'ai la libé avant le mois. Dehors c'est la pluie, je m'en fous. Ce week-end, je vais au Costa Rica. Réunion, je traite les millions avec ma gueule de smica. À mépris pour que nous le restions. Pas d'ingestion, des émotions, c'est pas la question. Mais tu réponds aux questions par des questions. On crie jamais famine, on se débrouille comme d'hab. On taffe aux 3-8, on deal au bon pack. On crie jamais à l'aide, on fait avec et puis ton aide, on s'en tape. Je vois mes cicatrices comme des forces, pas comme un handicap. Et je bois ce whisky sans glace. Je suis né avant les années 2000. Je veux voir voler les automobiles et les cernes sur ma photo de profil. Je pense à décembre, je pense à avril. J'ai la libé avant le mobile. Les années 2000. Je veux voir voler les automobiles et les cernes sur ma photo de profil. Je pense à décembre, je pense à avril. J'ai la libé avant le mobile. J'ai connu le franc, j'ai connu le faux. Le daron dans la cadette 16. Dans un futal en velours. À siphonner des poids lourds. Le crissement du tourne-disque sur le vinyle des G-Daf. Le crissement du VR6 sur le poste avec un prise classe. La crâne est bien, défile sous mes yeux dans le tramway. Maman vend ses bijoux chez la tante. Quelques poubelles vont cramer. Mon reflet dans une flaque de pisse. J'fais des sourires au camel. J'rêve de quartier, bois, j'rêve de palais. Comme les damnés. Les années 2000. J'veux voir voler les automobiles.